ni force imposée. Moi je pense qu'à poser, que le temps de penser mes rêves dans le fossé. Le passé effacé, le présent pour doser ma vie, le futur dans l'écriture. Je suis monté et doté d'un style pour te porter, le cul sans être porté, les stars sont de côté. Pas besoin d'être coquet, le speed est à troquer. Jamais fille quand je m'en crie à la oui, je suis ok. À la recherche de nouveautés, j'ai pas le temps de me vautrer. J'ai pas le temps d'attendre comme tendre la main qu'on vend pour me croquer. Le Wazer en a trophée. Et quand je gratte, ne crois pas que je gratte de trophée. Je fais ce que j'ai à faire, je trace, continue ma route. Tout le fait, baisse la face, face aux forces, ça me dégoûte. Je passe le mic au Dark End, MC qui shoot. Si tu veux pas qu'il t'aborde, mais pas sur sa route. Mais j'ai pour que le qui creuse. Ça me gratte de frapper, d'arabe qui danse du rap. Mais mon père est en creuse, pareil pour détruire, dégraver. Les cuisses éclatées, les caisses écrasées. C'est au beat, c'est raté, c'est mon beat embrasé. Nos chiffres embrasés, les têtes en cul posées sur mon beat. Percer les terres par comme des antilles diversées. Le poids s'en fout des âges, francs qui te font cibler des fourrailles et tous ces gantiers. On traîne nos couilles par l'eau comme des grossistes. Tous les horizons canadés, pas tant de bravater. On met des braves de pâté, crois-nous que ça va passer. On va fister les pleurets, tout terrain et barricader. Notre rap de four et de décap, on court comme un grand sud. Des rap, même si qu'on compte et on matraque comme un gibier, on part à patraque. On t'en va au séminaire, tu repartiras la vie accidenté sur une civière. Et tenté, on t'arrache les visières, je te dis d'entrer. Fais pas de raciste, tout ramène même le dernier est vendré. Les blancs vont s'étrangler, même les pages en ont étranglé. On a la dernière trophée, pour comme un étranger. On martyrise le maintien, fait des cicatrices de chaque but. On part par le chiffre, ta tête sur nos catapultes. Prière, mais on voit si des sons d'oreilles. On force nos groupes pour qu'il sur le poil à tenaille. On t'arrache les orteils. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous pompes, on te pique. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous pompes, on te pique. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous pompes, on te pique. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous pompes, on te pique. C'est du trash, même si tu veux la fraîche. Ma bite, on t'apprêche, quand je rappe, tu as la tèche. Tu fais tâche, on t'attache, tout t'abasse. Si tu caches, on t'arrache, le cul te crache, c'est la crise. Crac, ça éclate quand je craque sur tes feuilles. Le trac se démarque quand j'éclate, donne des feuilles. Clac, clac, le son te braque et débarque sur ton seuil. Tu t'échappes, pas de chat quand je plaque, tu es en deuil. Rap, rap, rap, rap, chat, chat, chat, chat. Fric, fric, shit, shit, crache sur les flics, flics. Si qu'on passe temps depuis 20 ans, maintenant, on s'en brise des tympans. Crac, crache, oral, pas de panne vocale. Jack, des jackass, pas de jet, pas d'air blocal. Tu nous pompes, on te prie. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous pompes, on te prie. On fait du hardcore, névrosti. Arrose les sons, tu nous